On va parler avec notre ami Bruno Boudreau. Il sera question beaucoup de baseball au cours de la prochaine semaine, évidemment avec l'arrivée des Blue Jays au Stade Olympique. 50 000 personnes encore une fois qui sont attendues. On va parler avec Bruno Boudreau, on va parler avec Jacques Doucet le premier lundi. Frédéric Daigue, sûrement la semaine prochaine, parce que Fred va rencontrer des gens du retour des expos. Et on va revenir avec Bruno Boudreau, parce que c'est le début de la saison dans le baseball majeur et on va faire nos prédictions. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, Bruno. Une nouvelle qui est tombée, les Red Sox de Boston et Chris Sale se sont entendus pour un contrat. On ne connaît pas encore les années, on ne connaît pas la durée du montant et ainsi de suite. Quand on voit ce qu'ils signent, c'est démesuré, mais il ne faut pas capoter non plus, là, parce que je vois beaucoup de monde capoter, là, parce qu'ils mettent ça en relief Montréal, puis ainsi de suite, on ne sera pas capable de suivre. Juste rappeler à ces gens-là, Bruno, tu vas être d'accord avec moi, que depuis l'année 2019, là, 12 gagnants différent de la Série mondiale. Oui, en fait, puis la parité est très, très bonne dans le baseball. Mais quand je regarde les contrats aussi, ce qu'on voit, là, c'est que les équipes puis les joueurs, il y a beaucoup de signatures à long terme qui se fait et ça va avoir un impact sur la négociation collective. Fait qu'on voit qu'au tas des deux bords, il y a des joueurs qui ne sont pas certains et acceptent peut-être un peu moins d'argent. Des équipes qui mettent un peu plus d'années que prévu parce que, justement, ils se préparent en vue de la négociation collective. Puis l'autre chose, c'est faut faire attention pour ne pas mêler non plus tous les dossiers. Là. Un joueur, par exemple, comme Mike Trout, qui reçoit un contrat, puis on voulait en parler aussi aujourd'hui, un contrat record d'une extension de 430 millions pour un peu plus de 10 ans, bien, ça lui rapporte à peu près 35 millions de dollars annuellement. C'est une somme astronomique, là, si on la compare à la vie qu'on vit tous et chacun. Mais quand on regarde dans le sport du baseball, il y a beaucoup, beaucoup d'analystes qui disent que Trout aurait dû être le premier joueur à avoir un contrat d'un demi-milliard parce que quand on regarde tous les revenus qui sont générés par l'industrie, si ton meilleur joueur, c'est ça qui gagne, parce que Mike Trout, c'est clairement le meilleur joueur du baseball majeur. Il n'y a pas de doute pour beaucoup d'experts, y compris moi, là, puis je ne me considère pas comme un expert. Pour beaucoup, beaucoup de gens, Mike Trout, c'est le meilleur joueur actuellement dans le baseball et un des meilleurs joueurs de l'histoire dans les 7-8 premières saisons de sa carrière. Je voyais les comparaisons avec Barry Bonds. C'est sûr que Bonds, les chiffres sont un peu faussés, là, mais les Bonds, il n'a pas toujours été ses stéroïdes en passant. Là. C'était un excellent joueur avant même l'histoire des stéroïdes. Là. Trout est en avance. Là. Oui, puis on le compare, écoute, on le compare à des Willie Mays, on le compare à des légendes. Ouais. Quand un gars comme ça signe un immense contrat, c'est sûr que ça fait cet imaginaire, mais quand tu regardes tout l'argent qui est généré par l'industrie du baseball, si ce joueur-là, c'est ça qui gagne, ça veut dire que les propriétaires ont vraiment le dessus dans l'accord contractuel actuel avec les joueurs. Puis même si ça peut paraître démesuré, il faut juste se comparer. Si on regarde l'industrie, il y a des revenus qui reviennent dans l'industrie, ben c'est pas 50% des revenus de l'industrie que ça va dans un contrat comme ça. Quand ton joueur vedette, c'est ce qu'il est capable d'aller chercher. On dit pas que c'est un montant qui est pas intéressant, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste ce qu'on dit, c'est que Mike Trout, dans les paramètres financiers actuels du baseball, devrait gagner plus. Donc quand j'entends les gens mais les cycles de retour des expos et tout, je pense qu'on mêle vraiment l'ensemble des dossiers. Faut faire vraiment attention. Les revenus des équipes de baseball sont immensément plus élevés, par exemple, que les équipes de hockey. Il n'y a pas de comparaison possible. Puis il va falloir s'habituer à ça. Hein, parce qu'un joueur, par exemple, dans le Canadien de Montréal, comme Carey Price, qui gagne 10 millions et demi, puis c'est le plus gros salarié gardien de but de la Ligue nationale de hockey, ça va être un joueur moyen d'une bonne équipe dans le baseball majeur. Puis ça, dans le fond, il va falloir que les partisans s'habituent à ces montants-là parce qu'ils vont rester surpris de voir les joueurs. Prends une liste de joueurs qui gagnent 10 millions au baseball majeur, puis tu vas voir que t'es loin des meilleurs joueurs à leur position. Donc, et ça fait partie de la réalité de n'importe quel sport. C'est pareil au basketball, c'est pareil à la NFL. C'est des sports qui ont beaucoup plus de revenus que le hockey, puis c'est normal que les joueurs empochent leur partie parce que c'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait spectacle aussi sur le terrain. Ah non, regarde, puis pas juste ça non plus. Là, regarde, écoute bien, là, je répète, 12... Bruno, 12 gagnants des séries mondiales différents depuis l'année 2000. Oui. Donc, c'est pas juste un joueur qui fait une série. Là. Je regarde, ça n'a pas empêché les Bulls de Milwaukee, ça n'a pas empêché les Royals. Les Royals, puis les Rays de Tampa Bay année après année. T'sais. Hein? Oui, il y a plein d'équipes qui ont eu du succès avec différentes méthodes. Ça laisse plus de latitude. C'est sûr que les équipes avec les plus gros marchés, comme les Yankees et Red Sox, on les voit souvent en haut du sommet, mais il y a eu des périodes où les Yankees et Red Sox, on se souvient, il y a 4-5 ans, les Red Sox ont fini dernier de leur division et ont connu des ennuis. Et là, ce qu'on observe, c'est que ces équipes-là ne dépensent pas non plus en fou l'argent qui serait disponible. Et c'est ça aussi que les joueurs vont un peu critiquer, c'est qu'à un moment donné, ces équipes-là, oui, ont la plus grosse masse salariale, mais se retiennent quand même un peu et adoptent une méthode beaucoup plus analytique, ce qui fait en sorte qu'ils ont plus d'argent puis la meilleure stratégie, c'est normal qu'ils gagnent. Mmh. Et ça devient aux autres équipes d'essayer d'aller au-devant du pavé. Et quand on regarde les profits qui sont générés par chacune des équipes, je reviens à George Steinbrenner. Je me souviens, là, George Steinbrenner qui disait souvent, ben écoutez, moi j'ai investi mon argent. Oui, j'ai de l'argent, puis oui, je fais des revenus avec les Yankees, mais j'investis ça sur le terrain, puis je gagne des championnats. Les autres propriétaires, faut qu'ils fassent pareil. Puis t'as d'autres propriétaires autour qui ont peut-être pas la même source de revenus que les Yankees, non. Mais avec le partage des revenus, ils se le mettent dans les poches. Ben là, ça dépend en tête partisan ce que tu veux. Tu veux-tu que le propriétaire devienne riche ou tu veux que ton équipe sur le terrain soit compétitive pour le prix que tu payes pour aller voir le spectacle? Et c'est ça que le partisan doit regarder. C'est pas le salaire nécessairement en bout de ligne, c'est pas de comparer les différents marchés, c'est de réfléchir en tant qu'amateur, c'est quoi qu'il souhaite avoir de son équipe. Effectivement, puis écoute, la clé, ça, moi je prétends que si les Rays qui s'en viennent à Montréal, la clé, ça va être de payer les recruteurs, ça va être de payer les dépisteurs, ils ont un main. Écoute, année après année, ils sont extrêmement compétitifs, cette équipe-là. Exact. Fait que, tu sais, ça va être d'amener tout ce monde-là. Écoute, ils sont encore le troisième réseau des filiales. Troisième que j'ai vu par Baseball America. Tu sais, fait que, tu sais, les Rays étaient pas bien dans bien des divisions, ils seraient premiers, là. Oui, puis avec. Mettre ça en perspective. Exactement, puis avec un marché un peu plus large, il pourrait peut-être offrir un ou deux joueurs qui feraient toute la différence. Ben, effectivement. Donc, on va y aller avec les prédictions dans la Ligue nationale aujourd'hui. J'ai deux revues devant moi. À part ça, je sais pas s'ils arrêtent les revues, là. Mais ils sortent toujours en janvier, puis non, avec le marché des joueurs autonomes qui se boucle de plus en plus tard, va falloir attendre un peu, parce que ces prédictions-là ont été faites avant que les Bryce Harper, Machado, Singh, et ainsi de suite, mais on va les faire quand même. Donc, on va commencer avec la division S. On y va avec les Austin, Street Smith, qui est l'ancien Sporting News, classe Atlanta, Washington, Philadelphie, les Mets et Miami. Ce qui va être intéressant, je pense, ça va être une vision quand même intéressante. C'est pas sûr que les Phillies, avec toute la chimie qui est, ça va pas être une question de chimie. Les Braves d'Atlanta ont montré de belles choses en passant encore. Donc, une équipe de jeunes. Puis, connaissant le DG, je pense qu'il va bouger si jamais ils ont des chances. Ouais, puis où je te rejoins par rapport aux Phillies, c'est qu'ils ont un super alignement, mais c'est les lanceurs. Après Aaron Nola, qui est un excellent premier lanceur, Jake Arrieta va devoir mieux lancer qu'il a été l'an passé. Il a eu une très, très mauvaise saison, là, beaucoup pire que ce qu'il y avait avec les Cubs, entre autres, au cours des dernières années. Et du côté de l'équipe, moi, je dirais, admettons, si je prends une équipe qui pourrait surprendre puis une équipe qui pourrait décevoir, ben, je pense que les Phillies sont le candidat de l'équipe à décevoir. L'équipe qui pourrait surprendre, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent que les Nationals de Washington sont en dessous du radar. Moi, je les considère pas en dessous du radar. Ils sont directs dans le radar. Ils ont perdu Bryce Harper, mais avec Juan Soto, Victor Robles en champ extérieur, ils sont aussi forts, sinon plus, qu'ils l'étaient avec Harper. Fait que moi, je trouve que les Nationals ont encore les mêmes lacunes, c'est-à-dire un enclos de relève un peu suspect, qui est pas mal là où est le gros problème. Mais l'équipe qui pourrait surprendre, moi, je pense, c'est les Mets de New York. Les Mets, si les lanceurs sont en santé, c'est toujours le gros si avec les Mets depuis quelques années. Ouais. Mais 1-4, là, ils peuvent à n'importe quel jour affronter n'importe quelle équipe, surtout avec l'éclosion, en plus, l'an passé de Jacob deGrom. On sait le talent de Syndergaard. Ça passe par la santé de cette équipe-là. Ils ont été chercher Robinson Cano, donc ils ont des vétérans dans l'alignement, avec Yoenis Cespedes. Ils ont quelques bons jeunes aussi, mais c'est vraiment la rotation. Fait que si la rotation des Mets tient, ils pourraient se battre au sommet de la division. Sinon, ben, je pense que tu l'as dit, les Braves, là, ils ont gagné le championnat l'an passé. Il est arrivé bien avant le temps. Là. C'était cette année qu'on prévoyait. Là. Puis Ronald Acuna va être là en début de saison, une année d'expérience de plus. Exactement. Et c'est vraiment les lanceurs qui vont faire la différence. Souvent, ça revient dans le baseball, c'est souvent les lanceurs qui font la grande différence, surtout quand les équipes sont aussi solides. Quand tu regardes l'ensemble de la division, c'est plusieurs équipes qui ont des bons alignements. La différence vient souvent des lanceurs. Les Mets auront besoin d'une plus grande différence parce qu'ils ont un alignement un petit peu déficient, si je compare, par exemple, aux Nationals, aux Braves ou aux Phillies. Je ne sais pas comment ça va arriver en bout de piste, là, mais tu te risques de te ramasser avec plusieurs équipes en haut de 500, peut-être une équipe comme meilleure deuxième aussi dans le lot. J'ai tendance à penser que les Braves vont encore gagner le championnat. C'est mon feeling. Là, que, en plus, ils ont été chercher George Donaldson. Je pense qu'ils vont juste aller chercher l'acquisition qui va faire la différence. Et l'équipe qu'on n'a pas parlé, ben, c'est les Marlins de Miami. Écoute, les Marlins, ils sont tellement dans la mauvaise division. T'sais, chaque équipe, mettons, exemple, prend les Braves, vont jouer une série contre les Marlins, ils vont se dire, il faut qu'on les balaye parce que c'est facile versus toutes les autres équipes de notre division. Ils pourraient facilement perdre 105, 110, peut-être même plus cette année, match. Et ça fait partie de la stratégie. Là, les Marlins en ont pour 2-3 ans à se reconstruire. Quand tu regardes la force des quatre autres équipes présentement, dans le court terme, la stratégie est bonne parce qu'il n'y a rien de positif devant eux. Ah non, et puis moi, je t'ai bien sûr dit de voir cette équipe-là. Derek Jeter qui n'avait pas de plan. T'sais. Moi, je pense qu'il a payé trop cher l'équipe. Il s'est passé garder de liquidité. D'accord? Il a échangé son receveur à Philadelphie encore cette année. Tu sais, à un moment donné, partisans, là, c'est bon. T'sais, les partisans, quelque part, là, il y a de quoi. Ils sont déjà tannés, puis des ventes de feu. On parle de Montréal, mais Miami, ils ont goûté aussi. Là. Ils ont eu des séries mondiales, mais ils ont goûté pas mal aussi. Là. Ben, c'est ça. Tu présenterais n'importe quelle franchise qui aurait gagné deux séries mondiales, une par décennie, des années 90 aux années 2000. Tu ne serais pas en train de te demander pourquoi elle aurait été sauvée plusieurs fois de déménagement ou de la faillite. Ça, c'est pas normal que tu gagnes des championnats. Normalement, dans le sport, les championnats amènent la foule. À Miami, c'est pas ça. Ça crée des happenings l'année qu'ils ont gagné, mais les autres années autour, on a tellement détruit les équipes qu'en bout de ligne, ben, les partisans sont venus pour garder le championnat, puis après ça, ils sont partis à la maison. Central, toujours Sweet Smith qui est lancé Sporting News, comme je disais. Les Cards, les Brewers de Milwaukee, les Cubs sont au troisième rang. Pittsburgh et Cincinnati, on les met au cinquième rang. Moi, les Reds, je les vois beaucoup plus haut que ça. T'es d'accord avec moi? Il y avait un paquet de jeunes joueurs. Yacine Pouille est à Cincinnati cette année. Moi, je les vois avant les Pirates. Ben oui, puis je suis pas mal à la même place que toi. Est-ce qu'ils sont prêts, par contre, à monter plus haut que ça? Disons quand même assez corsé. Là, c'est les Cards avec Paul Goldschmidt qui va être là cette année. Oui, vraiment. Puis les Cards, ils ont plusieurs bons lanceurs. Ils ont quasiment là, 7-8 gars qui pourraient être dans le top 5 des lanceurs partants. Fait qu'ils sont aussi prêts si jamais il y a des blessures. Tu sais, les Cubs, ils vont être encore dans le coup, mais on dirait qu'ils stagnent depuis quelques années. Mais je pense que les Cards avec Goldschmidt ont vraiment fait gros coup. Puis les Reds, pour revenir à eux, ça va être une équipe intéressante. On se souvient quand les Astros ont gagné, on faisait un gros plat du fait qu'il y avait la revue Sports Illustrated qui avait prévu 3 ou 4 années en avance que les Astros allaient gagner la Série mondiale de 2017. Et ils avaient eu raison. Et là, après ça, ils ont dit que ce sera les Reds en 2020. Et les Reds, bon, se sont vraiment donné un coup pour s'améliorer cette année. Mais je pense que les jeunes de cette équipe-là ne se sont pas développés comme, par exemple, les jeunes qu'on a vus, les Altuve et compagnie, avec les Astros. C'est pas la même qualité de joueur. C'est une équipe qui va éventuellement peut-être se battre pour un championnat de division, mais là, de là, aller gagner la Série mondiale comme les Astros, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et on en a la preuve. Quand tu vas chercher autant de gars que ça sur le marché des joueurs autonomes, des Puig, des Matt Kemp, des Sonny Gray, etc., ben c'est parce que tu as des défaillances. Alors que les Astros, ce qu'ils ont fait, c'est les jeunes ont monté et ensuite ils ont mis des vétérans pour venir gagner le championnat, des Justin Verlander et compagnie, mais c'est les autres qu'ils ont quand même emmenés là. Alors que dans le cas des Reds, on essaie de donner un coup de barre plus rapide en allant amener des vétérans. Chapeau, ils ont bougé alors que beaucoup d'équipes n'ont pas bougé. Mais je suis d'accord avec toi, ça les place quand même au fond de la division avec les Pirates. Puis pour ce qui est des trois premières équipes, est-ce que les Brewers vont reculer? La relève, elle peut-tu faire ça 2 ans en ligne? Je le sais pas. Je pense que ça va plus se jouer entre les Cards puis les Cubs au sommet de la division. Puis je pense que les Cards, avec l'acquisition de Goldschmidt, puis le fait qu'il y a, je pense, de meilleurs lanceurs qu'à Chicago, je pense que Saint-Louis est bien placé pour revenir au sommet de la division. Donc, dans Central, Atlan Smith, Atlan Sports, qui est l'autre revue, prédit les Cards, les Cubs, différence, Milwaukee 3e, comparativement à Street Smith, qui mettait 2e, les Reds 4e et Pittsburgh 5e. Dans l'Ouest maintenant, les Dodgers, selon Atlan Sports, 1er, Colorado 2e, les Diamondbacks 3e, Padres 4e et les Giants 5e. Évidemment, c'est avant l'arrivée de Machado. Du côté de Street Smith, on les place Dodgers 1er, Colorado 2e, les Diamondbacks 3e, les Giants 4e et les Padres 5e. Moi, je pense que ça va être une lutte entre les Dodgers, même sans Clayton Kershaw. Les Rockies du Colorado, le personnel de lanceur est intéressant, mais on joue au Coors Field, c'est jamais facile. Il faudrait également les Padres avec la question de Machado, mais ils ont un paquet de le bon réseau de filiales. C'est le meilleur réseau de filiales en passant. Là. Donc, je pense que ça va progresser pas mal cette année. Ouais, puis tu sais, faut pas oublier quand même que, tu sais, oui, Machado, il est là, puis il va amener du. Mais il faut pas oublier que cette équipe-là a perdu 96 matchs en une fois. C'est pas. Il n'arrive pas là pour faire la différence. Il va peut-être faire progresser l'équipe de 5-6 victoires à lui seul, mais après ça, c'est plus la progression des jeunes que tu as mentionné, peut-être d'autres acquisitions aussi à venir, mais c'est pas cette année que ça va se passer. Non. Par contre, avec un contrat aussi long, avec un joueur aussi jeune que Machado, il risque d'être vraiment bon, les Padres, quand les jeunes vont pousser, et Machado va être aussi en plein dans le prime, entre guillemets, là, de sa carrière. Mais quand tu regardes la division en tant que telle, T'sais, on a regardé tantôt les autres divisions là, depuis qu'on regarde la lutte à 3, peut-être même à 4 dans l'Est, la lutte à 3, peut-être même à 4 dans la Centrale. Quand on regarde dans l'Ouest, écoute, ça fait 6 titres de division en ligne que les Dodgers gagnent. Ça fait 2 championnats de la Nationale en ligne que les Dodgers gagnent. Puis même sans Clayton Kershaw, ils sont vraiment clairement les favoris. En fait, l'an passé, ils ont tellement connu un mauvais début de saison. On a assez parlé l'année passée. Ouais. On se disait, ils vont-tu réussir à virer ça de côté? Puis non seulement ils ont réussi, mais on dirait qu'on ne sait jamais. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait comme retour, mais ça ne nous a tellement pas surpris parce qu'on les voyait là. Et c'est encore là que je les vois cette année. Fait que même si on a un début de saison lent, même si Kershaw n'est pas là par moment, ils ont quand même tous les atouts. Ils ont le meilleur alignement de la division. Ils ont probablement les meilleurs lanceurs, aussi avec la relève inclus. Ils connaissent le tabac. C'est une équipe qui est vraiment à maturité. Mm. Par contre, ce qui risque de faire la différence, là, je te rejoins un petit peu, c'est l'impact de l'arrivée de Machado, c'est une chose, mais les Rockies, est-ce que les Rockies sont là pour revenir, oui ou non? Tu sais, oui, avec Nolan Arenado, c'est une très, très belle équipe, Colorado. Est-ce que ça va être assez, par contre, pour être capable d'aller chercher une place comme un deuxième? Si on dit, exemple, que les Dodgers gagnent la division, ben, est-ce qu'ils auront assez de victoires ou sont-ils plus proches du bas de la division des Diamondbacks, des Giants? Mm. Et que, mettons, on sait que les équipes jouent un 18 matchs contre chacune des formations. Ben, est-ce qu'à ce moment-là, on ne se remontera pas que des situations où les Rockies vont perdre leur part de match dans ces matchs-là et au lieu de finir à 88-89 victoires et faire un match de meilleur deuxième, on peut peut-être finir à 84-83 et manquer des séries? Et c'est ça qui est comme la grande question. Moi, je pense que les Rockies, ils ont peut-être pogné le sommet l'année passée. Je pense qu'ils vont avoir un petit recul cette année et qu'ils vont manquer des séries. Et plus se rapprocher là, du bas de la division, alors que les Dodgers, pour moi, sont clairement et définitivement l'équipe à battre là, dans cette division-là. OK. Ben Bruno, ça fait un tour pour la Ligue nationale. On va parler de la Ligue américaine la semaine prochaine. Merci, Dan. Notre ami Bruno Boudreau.